Mais on fait un détour d'abord par la chronique numérique avec Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors, ce matin, on parle des robots de l'avenir. Oui, à quoi ressembleront-ils? Parce que, évidemment, on a quand on parle de robots, et j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir cette image-là, ou bien au contraire, dans le fond, on pense aux robots anthropomorphiques, donc à celui qu'on voit beaucoup dans l'univers du cinéma, qui nous ressemble un peu dans la poursuite du mythe prométhéen. Donc, on essaie, nous aussi, de créer quelque chose à notre image, et d'une itération à l'autre, on en arrive toujours à cette idée, et on a vu même dans Blade Runner avec les réplicants, donc d'aller avec des robots qui sont éventuellement de plus en plus humains dans leurs caractéristiques, voire dans leur manière de penser. Et évidemment, tout ça, ça reste quand même un défi technique assez énorme. Alors, si on essaie plutôt de se concentrer dans un avenir raisonnable, de manière réaliste, ce type de robot-là, oui, ça amène des belles questions dans une approche de science-fiction, mais pour en arriver à ça avec l'intelligence artificielle, avec la robotique plus au niveau du mouvement et autres, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de recherches qui restent à faire pour permettre ce type d'innovation-là. Et évidemment, on est un peu à l'étape aussi où d'un côté, on se questionne quant à savoir est-ce que c'est pertinent d'aller vers ce type de robotique-là. Et parallèlement, eh ben, il y a aussi toute la question de l'économie et du développement de la robotique domestique qu'on pourrait appeler qui est en émergence, qui elle aussi va venir peut-être insuffler un certain mouvement à la création de certains robots. Évidemment, quand on parle de robots parfaits, anthropomorphiques, il reste, bon, oui, il y a les préoccupations éthiques, science-fiction, il reste, mais il y a aussi un coût qui sera assurément relativement élevé. Alors, de manière réaliste, ben, le robot de demain ne risque pas de nous ressembler, mais risque plutôt de ressembler, pour l'essentiel, à une machine. Donc ça, c'est un peu les éléments. Je suis tombé sur différents articles, j'ai trouvé assez stimulant ce type de réflexion-là parce que ça nous replace un peu, si on peut dire, l'imaginaire. Donc oui, évidemment, il y a de la recherche pour faire des robots humains. Il y a des petits robots qui sont de type anthropomorphique. On pense tout de suite à Nao. Si vous n'avez pas vu, vous irez voir sur YouTube, il y a des petites vidéos, vous n'avez qu'à taper Nao. Vous allez voir, il est vraiment joli, et vraiment attachant. Mais évidemment, les robots risquent plutôt d'être influencés par la charge qu'on va vouloir leur donner. Je suis tombé d'ailleurs sur des entrevues en robotique sociale qui disent que ça devient même, d'un point de vue stratégique, disons plus favorable. On serait plus favorable à préconiser ce type d'approche-là. Donc, plutôt que d'avoir des robots qui sont là pour être nos amis, qui sont là pour être nos confidents et le reste. Donc, ça peut amener des dérives, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se dire envers le robot quand il va être dans la sphère domestique, dans la sphère privée? Donc, il y a un risque de ce côté-là. Il y a des risques aussi au niveau de l'attachement que quelqu'un pourrait avoir envers ce robot-là. On a parlé aussi beaucoup des robots qui seraient supposés s'occuper des personnes âgées là ou des gens qui vivent dans l'isolement. Exact. Et justement, on fait des études, donc ces gens en robotique sociale là, avec des robots, mais qui ont une charge précise. Donc, il est là par exemple pour purifier l'air, qui est là pour nettoyer les tapis ou le reste, et avec lesquels il est déjà possible de créer, disons, un certain lien. Une présence, on peut dire une idée de présence, donc à travers des sons, à travers quelques mots, quelques termes. Donc c'est beaucoup dans la tonalité, dans la musicalité de ce qui va se dire. Donc un peu comme le bébé n'a pas accès au langage humain lorsqu'il naît, mais il peut émettre des sons, ces sons suscitent des émotions. Un peu comme dans des films, on l'a vu aussi, on pense à Wall-E, on pense à R2-D2, qui émettent des bip-bip, puis on s'attache à ces machines-là. Donc nécessairement, ben, l'attachement, puis l'idée justement de réadaptation sociale de l'aîné qui vit de manière isolée, qui a perdu peut-être l'habitude des contacts aussi, ben peut recréer une partie de cet attachement-là avec cette machine sans nécessairement aller jusqu'au bout de cette démarche-là avec une machine qui serait à caractère ou à l'esprit anthropomorphique, robot de conversation ou autre. Et justement, selon les chercheurs en robotique sociale dont j'ai eu l'occasion de lire des entrevues, eux disaient ben, le fait de ramener le robot à un usage précis évitait ce type de dérive-là. Donc, parce qu'on savait que le robot était là pour accomplir sa tâche et le reste, c'était un peu des bonifications autour de cette tâche-là. Dans un contexte où, de toute façon, ce qui risque d'émerger, c'est justement des robots centrés sur les tâches. des robots connectés sur Internet? Ben, qu'ils soient connectés sur Internet ou non, mais dans le fond, qu'ils soient là pour accomplir une tâche précise, si on peut dire. Donc, dans la mesure où, si on parle, bon, évidemment, les robots anthropomorphiques, ça va être coûteux. Si on a besoin simplement de transporter des charges, eh ben, le robot peut être conçu en fonction de simplement transporter des charges. Donc, on n'a pas besoin d'y mettre une tête pour qu'on ait l'impression de jaser avec un humain. On a besoin de lui mettre des roues, de lui mettre une énorme palette, peut-être des bras robotiques pour déplacer des boîtes et éventuellement de programmer une certaine intelligence artificielle qui va lui permettre de décoder son environnement, se rendre à la charge qu'on veut qu'il mette et de la transporter à l'endroit où on a besoin qu'il l'amène. Donc, ça amène d'autres défis, évidemment, dans ce cas-ci, c'est des paramètres de déplacement pour éviter les obstacles, c'est évidemment de pouvoir reconnaître la charge, de pouvoir reconnaître l'endroit où il doit aller le porter et le reste, mais ça reste beaucoup plus réaliste qu'un robot bipède, parce que c'est pas évident, évidemment, de marcher sur deux pattes, de faire marcher un robot sur deux pattes. C'est pas non plus évident de programmer un robot pour donner des objets, surtout des objets de petite taille. Donc, on évite certains défis comme ça en amenant des robots à accomplir des tâches précises et à être conçus en fonction de ces tâches-là. Un peu comme cette fameuse entreprise de Québec là, qui a développé un bras pour les personnes qui sont quadriplégiques. Exact. C'est un bras qui a une simple utilité, là, c'est-à-dire appréhender les objets, puis... Oui, puis dans ces cas-là, enfin, on tombe aussi dans les questions d'éthique médicale et le reste. Par exemple, si on vise à remplacer un membre perdu, par exemple, j'avais lu quelque part qu'il y avait certaines commissions d'éthique qui recommandaient justement à ce que l'ajout robotique ne deviennent pas une condition sine qua non pour la survie de la personne par la suite. Donc, si on retire l'ajout, ben, la personne pourra quand même ou sera quand même en mesure de survivre parce que sinon, ben, là, on tombe effectivement dans le cyborg et autres éléments. Donc, ça reste un outil. Et dans cette perspective-là, si on se dit, ben, le robot reste un outil, on n'a pas à le penser d'abord comme anthropomorphique, mais on a à le penser de la manière la plus efficace en fonction de l'outil qu'on veut créer. Donc, si, par exemple, on veut déplacer des machines, ben, on a peut-être juste besoin d'avoir un bras, d'avoir un tube. Si on a besoin d'avoir un robot qui se déplace dans des situations de survie, par exemple, pour aller sauver des gens dans des situations de catastrophe naturelle, eh bien, est-ce que la meilleure configuration, c'est sur roue? Probablement pas. Est-ce que la meilleure configuration, c'est capable de se mouvoir à deux pattes? Probablement pas non plus. Les créatures qui sont capables de se déplacer le plus facilement, c'est des cafards, c'est des serpents, c'est des furets ou des trucs assez petits qui ont des exosquelettes qui sont quand même assez amovibles. Il y a des recherches qui, justement, amène, par exemple, sur la piste du cafard, donc pour jouer un peu avec ces types de structures-là, pour avoir des robots qui sont capables de se déplacer efficacement, qui ne ressembleront pas à des humains. Bon, évidemment, après ça, si on a besoin d'aide, et finalement, c'est un cafard géant robotisé qui nous apparaît, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir de ce côté-là, mais reste que ça évite certains enjeux et ça solutionne certains problèmes. Et à ça, il y a aussi la question du matériau. Je parlais de l'exosquelette, par exemple. Donc, si on est capable d'avoir un squelette souple, c'est déjà un pas. Mais si on est capable d'avoir une structure qui est carrément en molle, donc un robot qui est mou, qui est pas en métal solide, eh ben encore là, ça vient solutionner d'autres enjeux. Parce que je parlais tantôt, dans le fond, que le robot doit en arriver à se déplacer, en arriver à pas rentrer en contact, à frapper des humains, frapper des structures et le reste. On le fait un peu pour l'automobile autonome. On en a parlé il y a quelques semaines, mais ça reste des années, des années, des années de recherche pour le faire pour un véhicule dans un contexte de rue. Maintenant, si on leur demande de se déplacer sur le trottoir, de se déplacer dans des endroits qui ne sont pas nécessairement parfaitement balisés, il y a un degré de complexité. Évidemment, si on est dans un milieu fermé, une usine, ça diminue un peu certains degrés de complexité parce qu'on peut cartographier quand même plus facilement l'environnement. Mais si le robot est mou, alors s'il nous frappe ou il rentre dans un mur, mais c'est moins grave, c'est porte un peu moins conséquence selon le contenu du mur. Et évidemment, alors ça, il y a des recherches qui sont faites aussi là-dessus. Donc des robots gonflables, par exemple, qui seraient capables de marcher en portant plusieurs adultes sur leur dos. Un grappin qui serait capable d'aller chercher une tomate sans l'abîmer parce qu'il est capable de prendre la forme un peu de l'objet. Donc d'éviter un peu la structure rigide, éviter les collisions envers leur environnement et réussir à se guider donc un peu par grappin, un peu à la manière de pieuvre qui viennent se déployer, qui peuvent s'agrandir ou se rapetisser pour entrer dans des espaces plus petits, dans des espaces plus grands. Donc ça, il y a des prototypes qui sont en place, qui sont en cours d'élaboration là, présentement. En fait, celui dont je vous parle, par exemple, le robot Serpentine, ça c'est des ingénieurs de l'université Stanford qui sont en train de le travailler et on dit qu'il pourrait atteindre jusqu'à 72 mètres de long. Il sera en mesure de réduire son diamètre pour passer dans des petits interstices. Il sera en mesure de porter des charges de 100 kg également. Bon, évidemment, en encore là, on revient à notre cafard gérant de tantôt. Si on vient se faire aider par des tentacules gigantesques de robots, bon, il y a un petit côté anxiogène à avoir ça pour l'instant. Un peu comme pour ces créatures anthropomorphiques, mais qui ne le sont pas vraiment. On voit beaucoup de robots dans le côté de la recherche anthropomorphique où on ajoute, dans le fond, à des exosquelettes, si on peut dire, des masques un peu de latex qui ont l'air un peu morts, qui causent aussi un autre type de dérangement. Alors, il y a toujours ces enjeux-là, évidemment, mais là, on tombe justement dans le côté du social. Donc, une fois que l'usage a été déterminé, mais de quelle manière, maintenant, on peut susciter une sympathie, si on peut dire, pour la machine, sans nécessairement qu'elle soit capable de langage, sans nécessairement qu'elle soit capable de penser complexe non plus, et surtout, sans nécessairement qu'elle soit obligée de nous ressembler. Ah. Est-ce qu'il est question de nano robots aussi dans cette chronique? Est-ce qu'on pense à ces robots qui sont là pour... injecté dans le sang. C'est ça, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres débats, si on peut dire. On tomberait probablement dans des recommandations au niveau de l'éthique en recherche, par exemple, que j'ai recensé un peu. Et là, on va parler, par exemple, de dispositifs robotiques, comme je disais, où on doit s'assurer que c'est réversible. Donc, si on lance des nanorobots dans le sang, par exemple, ben, on doit s'assurer que si les robots cessent de fonctionner ou disparaissent ou peuvent être enlevés, donc la personne va être en mesure de survivre encore. Mais c'est un autre champ, en fait, quand on parle de robotique, de grosse robotique et de nanorobotique, c'est deux champs radicalement différents. Donc, j'ai été plus vers les grosses celles-là, mais ça pourrait être intéressant, effectivement, d'explorer un peu et de voir un peu où on en est en matière de nanotechnologie également, parce qu'il y a des très, très belles recherches qui sont faites de ce côté-là. Alors, si c'est un sujet qui nous intéresse, quelles sont les suggestions, là, y a-t-il des sites ou des... Puis en fait, je suis tombé, il y a le CNRS, notamment, qui a fait un beau dossier, je pense, en décembre l'année dernière, sur le robot. En fait, le dossier lui-même, en fait, s'appelle, donc, le siècle des robots, si je me trompe pas. Donc, si on cherche robotique CNRS ou CNRS, le siècle des robots, on va trouver le dossier au complet. Également, il y a le magazine qui s'appelle Regard sur le numérique qui fait beaucoup de suivi, beaucoup de références aussi là-dessus. Mais sincèrement, la référence du CNRS est déjà extrêmement intéressante là, pour voir un peu où on en est dans ce type de réflexion-là. Ben, très bien. Merci beaucoup, Raymond. Fait plaisir.